بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue point le numéro 170 parce que vous avez vous la même chose. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. Il faut avoir la croyance que le repentir est une obligation pour les serviteurs et qu'ils doivent se repentir à Allah de leurs péchés et fautes, grands et petits. الشرح explication. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد. عاود المقطع هذا. tout. Juste le passage à chaque fois concerné. يجب الإيمان بأن التوبة فرض. Donc il faut croire fermement que le repentir est une obligation. التوبة من الذنوب فرض. Se repentir des péchés est une obligation. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah dit dans le Coran: et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. سورة التحريم، سورة 66 verset numéro 8. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, etc. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah dit également dans le Coran, سورة numéro 49 verset numéro 11: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَسَيِّئَاتِهِ وَلَا يَسْتَمِرَّ عَلَيْهَا أَوْ يُصِرَّ عَلَيْهَا أَوْ يَتَسَاهَلَ بِهَا. Donc il est obligatoire pour le musulman de se repentir de ses péchés, de ses erreurs, des fautes qu'il a commises, et ne pas être continuel à ce sujet-là. Istamir, continue à faire les péchés. Aw yusirru 'alayha, il est régulier, constant dessus. Aw yatasahala biha, ou bien le fait qu'il néglige ce point-là, néglige, prend cela à la légère. Wa yaqulu hadhihi sahla, en disant ça c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, c'est pas si dramatique. La yatasahal biha fa hiya min al-ma'asi, faut pas prendre ça à la légère. Il faut pas prendre ça à la légère, ne pas négliger cela, les péchés. Bal yubadiru bit-tawba, bal yubadir bit-tawba. Au contraire, il faut qu'ils s'empressent à se repentir. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الله dit dans le Coran à titre d'exemple, sourate numéro 3 verset 135-136: et pour ceux qui, s'ils ont commis turpitude ou causé quelques préjudices à leurs âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Cela en pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, etc. فَأَثْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَوَعَدَهُمْ. Allah a fait l'éloge de ces gens-là, qui quand ils font des péchés, se repentent. قَالَ جَلَّ وَعَلَى إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Donc autre verset également: Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux et qui s'écrit certes, je me repens maintenant. Sourate 4, versets 17 et 18. إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ لَا تُقْبَلُ التَّوْبَ. إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ لَا تُقْبَلُ التَّوْبَ. Quand la mort se présente, le repentir n'est plus accepté. وَإِنْ كَانَ الْإِنسَانُ لَا يَزَالُ حَيًّا فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ. Même si la personne elle est encore vivante, son repentir n'est plus accepté à ce moment-là. فَعَلَيْهَا يُبَادِرَ بِالتَّوْبَةِ وَلَا يُؤَجِّلَهَا فور ما يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. Donc il dit, il faut s'empresser de se repentir à chaque instant et ne pas retarder cela. Quand tu fais quelque chose de mauvais, repens-toi à Allah. فور ما يخطئ. Dès que tu fais quelque chose de faux, dès que tu fais une erreur, dès que tu fais un péché, repens-toi, empresse-toi de faire cela. والإنسان ليس معصوما يقع منه خطأ. L'être humain n'est pas infaillible. Il va faire des erreurs, il en a fait, il en fait et il va en faire. يقع منه تقصير. Il est amoindri, il a des faiblesses, il tombe dans des péchés, etc. Comment t'as traduit? Faura. Faura, c'est tout de suite. Faura, c'est tout de suite. Maintenant, ils disent que le hajj est obligatoire. Al faur ou al tarahi. C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire? Dès que la personne a les conditions d'obligation, ou bien elle peut le retarder. Tal. يقع منه ذنب ولكن الله جل وعلا برحمته فتح باب التوبة. Mais Allah a ouvert la porte, cette porte de repentir, pour pouvoir se corriger. فتح لك باب التوبة. Il t'a ouvert cette porte. ودعاك إليها. Il t'a appelé à celle-ci. ووعدك أن يغفر لك إن صدقت في توبتك. Il t'a promis de te pardonner si tu es sincère et si tu es véridique dans ton repentir. حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه. Ça va trop vite, vous me le dites, hein? حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه. Même le mécréant, s'il se repent et abandonne ses convictions qui sont contraires à l'unicité, qui sont contraires à la vérité, Allah lui pardonne. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'il s'est passé, et s'ils récidivent, ils seront châtiés à l'exemple de leurs devanciers. من الكفر, donc surat 8 verset 38. من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلك. Allah pardonne tous les péchés pour celui qui se repent d'une manière sincère. La mécréance, le polythéisme, l'association, l'assassinat, etc. إذا تابوا تاب الله عليهم. S'ils se repentent, Allah accepte leur repentir. وفي الحديث التوبة تجب ما قبلها. Dans le hadith, le repentir efface ce qu'il y avait avant. On a dans la marge, لم أقف عليه بهذا اللفظ ويغني عنه ما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وكذلك الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه برقم كذا وكذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Donc il dit en fait que ce texte là que le prophète صلى الله عليه وسلم il aurait dit le repentir efface ce qu'il y avait avant. Il dit, Annie, je n'ai pas trouvé un hadith sous ce terme-là précisément. Des fois, les savants ils ramènent le hadith dans le sens. C'est pour ça, Annie. Il dit, de toute façon, il y a un hadith dans Sahih Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface ou bien détruit ce qu'il y avait avant, que l'émigration, Annie, le hijra, efface et détruit ce qu'il y avait avant, et que le pèlerinage efface, détruit ce qu'il y avait avant. Et dans un autre hadith, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas commis. Donc il dit فالمسلم بحاجة إلى التوبة. Le musulman est en besoin de se repentir. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم demandait pardon à Allah chaque jour et plus que demander pardon et se repentait à Allah chaque jour plus de أكثر من 100 مرة, plus de 100 fois. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. Il a dit aux gens, repentez-vous à Allah car je me repens à Allah chaque jour plus de 70 fois. Hadith rapporté par al-Bukhari dans son sahih عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Vous avez tout ça dans la marge, hein? قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ورواه مسلم في صحيحه عن الأغر المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. كمان يعني دو حديث كي سون بروش دون لي تيرم. ويحصى له أصحابه في المجلس أستغفر الله أستغفر الله أكثر من 100 مرة. Et il dit, les compagnons ont décompté dans une seule assise que le messager sallallahu alayhi wa sallam disait Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, plus de 100 fois. عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره. Voilà l'agissement du messager. Que dire de quelqu'un autre que lui? فنحن بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل. Donc nous avons besoin de cela, de toujours renouveler le repentir. والإنسان ليس معصوما يقع منه ذنوب. L'homme, l'être humain n'est pas à l'abri, n'est pas infaillible. Il fait des erreurs, il fait des péchés. ويقع منه تقصير. Il sera amoindri. ويقع منه خطأ. Il va faire des fautes et des erreurs. فهو بحاجة إلى التوبة. Il est en besoin de se repentir. والحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يقبل منا وأن يمحو ذنوبنا. Donc il dit, louange à Allah qui a ouvert cette porte-là et cette manière de se corriger et qui a promis d'accepter et d'effacer les péchés pour celui qui est sincère et véridique. Taqsir, comment t'as traduit ? Taqsir, c'est l'amoindrissement. C'était quoi l'autre Il y avait quoi comme autre mot ? Non, l'autre fois on avait vu, je crois. Je pense que dans ce cas, on a l'incapacité. L'adz. Mais il y en a un autre, non ? Sans la taqsir. Ça ne me dit rien. C'est basé quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ah bah, taqsir. Dans le sens ou dans le sens ? Dans les deux, hein. Ah, ouais. On a un... En tout cas, là, ça, c'est, personnellement, c'est une chose qu'on aurait pu faire. Qasura an. Ça veut dire qu'il n'a pas fait la chose comme il devait la faire, il a fait moins. Alors qu'il en était capable. Oui. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui ne considère pas la présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en faveur des 10 premiers paradis, alors celui-là est un adepte de l'innovation et de l'égarement et il doute après à propos de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé. نعم قال الشارح الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل. Témoigner à quelqu'un du paradis ou de l'enfer chez les gens de la sunna, il y a une explication à donner à ce sujet-là. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك. C'est ça la règle. Celui pour qui le messager صلى الله عليه وسلم a témoigné du paradis ou a témoigné de l'enfer, nous lui témoignons en sa faveur. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Car le messager عليه السلام, comme Allah a dit dans surat Najm, surat 53, verset numéro 3 et 4, elle ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Amma, c'est-à-dire quand il témoigne de quelqu'un du paradis ou de l'enfer, ce n'est pas lui qui a témoigné comme ça, mais c'est une information qui lui vient de la part d'Allah. Amma man lam ya'ti dalil ala annahu fi al-janna aw annahu fi an-nar فنحن لا نشهد بجنة أو بنار لأحد. Par contre, celui à propos de qui il n'y a pas de preuve comme quoi c'est un adepte du paradis ou un adepte de l'enfer, nous ne témoignons ni du paradis ni de l'enfer en sa faveur. بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. On espère pour le bienfaisant et on craint le pire pour le malfaisant. هذا من حيث الأفراد. Ça c'est concernant chaque personne en elle-même. Un tel, etc. أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار كلهم في النار. Mais dans la généralité, on a pour conviction que les croyants sont voués au paradis, les mécréants sont voués à l'enfer. من حيث العموم, dans la généralité. أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو نار. Mais dans la spécificité, de dire un tel est au paradis, un tel est en enfer, nous ne témoignons à personne avec fermeté comme quoi c'est un adepte du paradis ou un adepte de l'enfer, si ce n'est avec une preuve, illa bidalil min al-kitab wa sunna, si ce n'est avec un argument clair, une preuve claire émanant du Coran ou de la sunna. Wa qad shahida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li unasim min as-sahaba annahum fil janna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en faveur de gens parmi les compagnons qui c'étaient des adeptes du paradis. Fa nahnu naqta'u annahum min ahli al-janna bi a'yanihim wa ashkhasihim. On témoigne en faveur de ces personnes-là que ce sont des adeptes du paradis en eux-mêmes et en citant leur nom. Wahumu al-asharatu al-mashhudu lahum bil jannah, qui sont notamment les 10 premiers au paradis dans le hadith, les 10 compagnons, al-khulafa al-arba'a, les 4 califes, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, les 4 califes connus, wa Talha wa Zubayr wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl wa Abu Ubaida ابن الجراح. Donc, ces 10-là, ou Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anil jami', ces 10-là sont promis au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités avec leur nom. Ha'oula, shahida lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahum min ahli jannah. Tous ces 10-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en leur faveur que ce sont des adeptes du paradis. Fa nahnu nu'minu bidalik. Nous croyons à cela de manière ferme. Wa naqta'u annahum min ahli jannah bi'a'yanihim. Nous proclamons cela de manière certaine. Al-qat' bi-shay, c'est le fait de déclarer de manière certaine, sans aucun doute. Wa nu'minu bi-anna as-sahabata kullahum fil jannah. Et on considère que tous les compagnons sont promis au paradis. Alladhina matu 'ala as-suhbah, ceux qui sont morts, compagnons du messager. Wa lam yartaddu annahum fil jannah, ceux qui n'ont pas apostasié, parce qu'il y a beaucoup d'arabes qui ont apostasié après la mort du messager, ceux qui n'ont pas apostasié, nous avons la ferme conviction, ce sont des adeptes du paradis. Yanna Allah jalla wa ala qal laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara. Parce que Allah dit dans le Coran, par exemple, sourate numéro 48, verset numéro 18, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, ce qu'on appelle bay'at ar-ridwan, qui a eu lieu à la fin de l'année 6, c'était le pacte de Al-Hudaybiyah, quand ils sont allés faire l'Umrah, ils ne les ont pas laissés rentrer. Waqala, donc surat 48, verset 18. Waqala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Également dans le surat 9, Tauba, repentir, verset numéro 100. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les muhajirin et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah les agrée et il l'agrée, il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ils demeureront éternellement. Fasahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum fil jannati bi shahadati Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam sont tous promis au paradis suite au témoignage de la part d'Allah lui-même jalla fi'ula. Wa khussa minhum al-ashara, et il a spécifié parmi eux les 10, wa ahlu bay'ati ar-ridwan, et donc les 10 qu'on a vus avant, et les compagnons qui ont fait allégeance sous l'arbre, qui sont 1300, 1400, voire plus ou moins, il y a différentes versions dans les livres de tafsir, wa ahlu badr, les compagnons qui étaient à Badr, qui sont 310 et quelques, alladhina warada lahum fadlun khas, ces gens-là, il y a des textes qui sont venus encore les préciser par rapport aux autres. والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Donc il dit ceux qui ont cru, yani, ils sont rentrés dans l'islam et qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque, qui a eu lieu au mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, sont plus valorisés et ont plus de récompenses que ceux qui se sont convertis, qui ont participé, dépensé, etc. et combattu après la conquête de la Mecque. فَالَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْفَتْحَ هَؤُلَا أَفْضَلْ مِنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدْ فَتْحِ مَكَّةِ. الصَّحَابَ يَتَفَضَلُونَ بِلَا شَكْ. Donc même entre les compagnons, il y a des plus méritoires que d'autres. وَلَكِنْ كُلُّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَلَا أَحَدَ يَطْعَنُ فِي الصَّحَابِيِّينَ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. Donc il dit, ils sont tous de vertu, ils sont tous de valeur, les compagnons du messager. Et ne parle mal sur les compagnons que les adeptes des innovations, les adeptes des passions, les adeptes des sectes comme les khawarij, comme les rafida, ce qu'on appelle les chiites, etc. فالذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويصفهم بالظلم. Donc ceux qui parlent mal sur les, par exemple, les trois premiers, Abu Bakr, Omar et Uthman, et qui les caractérisent comme étant des gens qui ont été injustes, des tyrans. ويصفوا أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش, disant que Abu Bakr et Omar sont les deux statues de Quraysh. وأنهما الجبت والطاغوت, et que ce sont des déviants et des tyrans. هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. Il est plus égaré que les juifs et les chrétiens. Al-Yahoud wa al-Nasara la yaquluna hadha fi sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hum yahoud wa nasara. Les juifs et les chrétiens ne disent pas ça sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ha'ula yad'un al-islam. Alors que les chiites et les khawarij, tout ça, ils se prétendent à l'islam. Wa yaquluna hadhihi al-maqalat al-shani'a. Et ils osent prononcer une parole aussi désastreuse. Si on dit aux juifs et aux chrétiens, qui sont les meilleurs parmi vous? Les juifs vont dire, ce sont les apôtres de Moussa. Si on demande aux chrétiens, ils vont dire, ce sont les apôtres de Isa, de Jésus. Et les khawarij, et les rawaf, et ceux qui sont sur la même lignée, si on leur dit, c'est qui les pires parmi vous? Sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire, ce sont les compagnons de notre prophète. Nas'alallahu al-afiyah, fahadihi mas'alatun khatiratun jiddan. Donc c'est un sujet de grande envergure. Qala. Naam. Tu traduis, wa annahuma al-jibt. Al-jibt, ma, hada warat fil Qur'an. Attends, je vais te dire comment ils l'ont traduit, mais ils ont ramené dans le sens. Je vais trouver l'ayam bad. Hein? Quelque chose comme ça, oui. Il ramène un sens, ça. Hein? Justement, Adonna. Hein? Adonna. Maïda, non. J'ai dit que tu vas route. Non. Je vais te trouver l'ayam. Non. Quand le mouallif, rahmatullahi alayhi, قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان لهم تقصير في العمل. وقال ابن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب المجيب إلى السنة. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله dit celui qui s'attache à la sunna et prend soin d'entrefaucher du souvenir et de l'honneur des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم puis il meurt sur cela, il sera avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, même s'il a eu des manquements dans ses actes. Et le Bishr ibn al-Harith, rahimahullah, dit la sunna c'est l'islam et l'islam c'est la sunna. Et le Fadl ibn Iyad, rahimahullah, dit lorsque je vois un adepte de la sunna, c'est comme si je voyais un compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je vois un adepte de l'innovation, c'est comme si je voyais un hypocrite. Et Yunus ibn Ubayd, rahimahullah, dit comme paraît étrange parmi les gens celui qui se réclame de la sunna, et comme est plus étrange encore est celui qui l'applique. On a dans surat Nisa, verset 51, « Alam tara ila alladhina utu nasiba min al-kitab, yu'minuna bil-jibti wa al-tagut. » N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie, jibt et au tagut. En bas, ils mettent jibt, la magie, les idoles, l'association ou le diable. Type de caractéristique. Wallahu alam. Surat 4, verset 51. Taïb, al-sharh. Qala qawlu al-imam Malik ibn Anas. رحمه الله تعالى الإمام مالك قديما لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله دي celui qui s'attache à la sunna et prend soin du souvenir et de l'honneur des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il meurt sur cela, il sera avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, même s'il a eu des manquements dans ses œuvres. نعم من لزم السنة أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. Celui qui s'attache à la sunna du messager, à sa voix, à sa religion, à sa méthodologie, à sa manière d'être, علما وعملا واعتقادا, dans la science, dans l'application, dans la conviction, ومات على ذلك, et qui meurt sur cet état-là, وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, et que les compagnons ont été à l'abri de lui. C'est-à-dire, il n'a pas parlé mal sur les compagnons, il n'a pas eu des pensées mauvaises envers eux, il n'a pas eu une conviction néfaste envers eux. لم يطعن فيهم أو في أحد منهم. Il n'a pas parlé mal sur eux, etc. Ou l'un d'entre eux. Sara ma'an nabiyyin. Il sera avec les prophètes. Ou siddiqin. et les véridiques, les shuhada, les martyrs, les salihin et les pieux. Liannahu muti'un lillahi wa rasoulih. Car il est, sa manière d'agir et sa manière d'être est conforme à est conforme et il a obéi à Allah et à son messager. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. وقوله وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui s'attache à la sunna et prend soin des compagnons. فلم يتنقصهم فلم ينتقصهم ويطعن فيهم. Il n'a pas parlé de manière néfaste sur les compagnons. والله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم يعني الصحابة المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru Seigneur tu es compatissant et très miséricordieux. Surat 59 verset numéro 10. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que ابن تيمية رحمه الله dans son épître العقيدة الواسطية a dit parmi les fondements des gens de la sunna du consensus le fait de d'avoir des cœurs saints des cœurs saints et des langues saines à propos des messages des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhakara hadhihi al-aya, il a cité ce verset là. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Le verset donc il appartient également à ceux qui sont venus après eux disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Hadhihi salamatu al-alsun. Ça c'est les langues. Les langues ne parlent pas mal sur les compagnons du prophète. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. هذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. La deuxième partie du verset et ne met pas et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Ça c'est que les cœurs soient saints en faveur des compagnons du messager. قوله وإن كان له تقصير في العمل. Quelqu'un qui s'attache à la religion, à la sunna du messager et qui ne parle pas mal et qui n'a pas une conviction néfaste envers les compagnons du messager, mais même s'il a manquement dans ses actes. وَإِنْ حَصَلَ عِنْدَهُ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ. Même si il est amoindri dans ses actes. فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah pardonne à qui il veut. قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas, le sens qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Ça c'est pour la parole de l'imam Malik. La deuxième parole, قول بشر ابن الحارث رحمه الله تعالى. السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. العبارة هذه سبقت في أول كتاب. Ça c'est au tout début du livre, on avait cette phrase là. C'est la première phrase que l'auteur dit, l'imam al-Barbahari rahimahullah, qu'il cite dans le livre. Et d'ailleurs elle est attribuée à lui, elle est très connue. Et souvent les savants ils vont citer. L'imam al-Barbahari a dit, et justement il a ouvert son livre avec ça. السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. Dans le sens que les deux sont indissociables. La troisième parole, قول فضيل بن عياض. ابن عياض رحمه الله تعالى. Il a dit, إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, لأنه تابع لهم. Puis pourquoi? Parce qu'il les suit. Il suit les compagnons. لأن من تبعهم صار منهم. Celui qui suit les compagnons fait partie d'eux. وهو كما قال مالك رحمه الله. Ça revient à ce que l'imam Malik a dit avant, il sera avec eux, il sera avec les prophètes et les nabiyyin, les véridiques et les martyrs et les pieux. Celui qui les suit fera partie intégrante d'eux. قال وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. إذا رأيت رجلا أو إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين. Corrigez soit vous mettez إذا رأيت ou bien إذا رأيت. Parce qu'il faut que les deux soient pareils. Au début إذا رأيت c'est conforme à la parole de qui est cité dans le livre. Donc, Ida Ra'aytu, lorsque je vois un homme parmi les adeptes de l'innovation, des innovations contraires à la voix des gens de la Sunna, c'est comme si je vois un homme parmi les hypocrites. Alladhina kanu yad'una al-islam fi adh-dhahir, les gens qui prétendaient à l'islam en apparence. Wa hum kuffarun fil batin, alors que ce sont des mécréants dans leur fort intérieur. Yuridun al-mukhada'a, ils veulent trahir et tromper les autres. Fa ahlul ahwa'i wa ahlu fa ahlul ahwa'i wa ahlul bid'i fihim shabahun min al-munafiqin, les adeptes des passions, les adeptes des innovations ont une ressemblance avec les hypocrites. Li'annahum yudhhiruna al-islam walakinnahum yabtadi'una wa la yattabi'una as-sunnah, font apparaître l'islam alors que ils innovent et ne suivent pas la sunna comme il se doit. Hadhihi sifatu al-munafiqin, ça c'est un attribut ou une caractéristique des hypocrites. Quatrième parole, qawlu Yunus ibn Ubayd rahimahullah ta'ala, al-ajab mimman yad'u al-yawma ila as-sunnah wa a'jab minhu al-mujib ila as-sunnah. Comme paraît étrange parmi les gens celui qui se réclame de la sunna, et comme est plus étrange encore celui qui l'applique. Sarat as-sunnah ghariba, sunna, yani l'attachement à la religion conforme comme c'était à l'époque, est devenu étrange, quelque chose de bizarre. Gharibun man yad'u ilayha, celui qui appelle et qui appelle à la sunna, la voie de droiture, est étrange. Wa aghrabu minhu man ya'malu biha, celui qui l'applique et la met en œuvre, il est encore plus étrange. Fala shakka annahu ya'ti azman, il y a une faute de frappe, il y a un sukun sur le hamza. Ya'ti azman takunu as-sunnah gharibatan fi ahliha, pas de doute que vont venir des époques où la religion pure va paraître étrange chez les gens et quelque chose de anormal. Wa kullama ta'akhkhara az-zamanu sarat as-sunnah ghariba, plus le temps il avance, plus les années elles passent et les décennies etc., plus la religion paraît étrange. Wa ahlus sunnah ghuraba, les adeptes de la sunna sont des gens étranges, perçus de manière étrange. Wa li hadha qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba, yani l'islam a commencé étrange et il va redevenir étrange, donc bonne récompense aux gens qui ont cette caractéristique, yani qui s'attachent à la religion même si les gens vont les considérer comme étant étranges. Qala man al-ghuraba ya rasulallah, ils ont dit c'est qui ces gens là étranges au messager d'Allah. Qala alladhina yasluhuna ila fasad an-nas, les gens qui sont sur la droiture lorsque les gens deviennent corrompus. Wa fi riwayatin yuslihuna ma afsada an-nas, et dans une autre version ce sont des gens qui réforment ce que les gens ont corrompu. Haoula humul ghuraba fi akhir az-zaman, ce sont ceux là les gens qui vont paraître étranges à la fin des temps. Ida fasada an-nas fa hum yatamassakuna bis-sunnah, quand les gens sont voués à la perdition, sont corrompus ou débauchés, eux ils s'attachent à leur religion. Wa yasbiruna ala ma nalahum min al-adha, ils patientent sur ce qui les touche parmi les choses qui ne sont pas très agréables. Wa yasbiruna ala al-ghurbati bayna an-nas, et malgré qu'ils sont perçus de manière étrange et bizarre au milieu des gens, mais ils patientent sur cet état-là. لأن الذين يخالفونهم كثيرون, parce que ceux qui sont qui ont une manière d'agir ou une idéologie qui est contraire à la leur sont nombreux. فهم يعيشون في غربة بين الناس, donc ils vivent au milieu des gens mais ils paraissent d'une manière étrange. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت السنة السنة, أيضا يعني ضرب في الدفخة بلا سب النصب, c'est avec une fatha, c'est pas avec une dhamma. Wa iyyakum al-bid'a hatta mata. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, mata rajulun min ashabi fa ruya fil manam fa qala qulu li abi abdillah 'alayka bis sunnah fa inna awwala ma sa'altani fa inna awwala ma sa'alani rabbi 'azza wa jalla 'an as sunnah. Wa qala abu al-ali rahimahullah, man mata 'ala as sunnah masturan fa huwa siddiq, fa huwa siddiqun al-i'tisam bis sunnah najat. Préserve la sunna, car c'est la première chose sur laquelle mon Seigneur m'a interrogé. Et Abu al-Aliya, a dit: celui qui meurt attaché à la sunna est un véridique, et l'attachement ferme à la sunna est un sauvetage des troubles et du châtiment prochain. Naam, charh explication. Qawl ibn Aoun, as-sunna. Attachez-vous à la sunna, attachez-vous à la sunna. Ay yilzamu as-sunna, attachez-vous à elle. Mansoubun ala al-ighra, c'est mansoub, c'est-à-dire qu'il y a une fetha. On ne dit pas sunnatu, on dit sunnata, dans le sens qu'on incite les gens à s'y attacher. Et ils aiment le sunnata wa tamassaku biha. Qawluhu wa iyyakum tahdhirun wal bid'a ma khalafa as-sunnah. Et iyyakum, il dit donc faites attention, c'est une mise en garde quant aux innovations. Ma khalafa as-sunnah, ce qui est contraire à la sunnah. Awsa bihadha 'inda al-maut min bab an-nushh lil umma. Il a recommandé cela au moment de la mort. C'est un conseil en faveur de la nation. Deuxième parole, قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مات رجل من أصحابي فروي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد إمام أهل السنة أنهم qui était en compagnie, qui était proche de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, al-sabir al-mihna rahimahullah, famata faruya fil manam. Cette personne-là est décédée, elle a été vue en songe. Fa'awsa man ra'ahu an yuballigh al-imam Ahmed rahimahullah. Et il a recommandé, il a demandé à la personne qui l'a vue en songe de transmettre à l'imam Ahmed ce qui suit. Bien yatamassaka bis sunnah, de s'attacher à la sunnah. Wa yaqul inna awwala ma sa'alani rabbi 'an as-sunnah. Première chose que mon Seigneur m'a sur quoi il m'a interrogé, c'est sur la sunnah. Fa hadha fihi al-hath 'ala at-tamassuk bis-sunnah was-sabr 'alayha. Il y a là l'incitation quant au fait de s'attacher à la sunnah et de patienter sur ce qu'il y a derrière. Al-thalith, troisième parole, qawl Abi al-'Aliya rahimahullah ta'ala, man mata 'ala as-sunnah masturan fa huwa siddiq. Celui qui meurt attaché à la sunnah est un véridique. Non. أبو العالية الرياحي هو من كبار التابعين في partie des grands تابعين قال من مات على السنة مستورا فهو صديق كما تتخذبي الصديق هو كثير الصدق un véridique c'est quelqu'un qui se différencie par cette qualité وهو في المرتبة التي تلي النبيين et comme on sait les véridiques ils passent avant les martyrs après les prophètes il y a les véridiques. فمقام الصديقية مقام الرفيع. Cet attribut-là de véracité, c'est élevé. والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. Quelqu'un qui est toujours véridique dans ses paroles et dans ses actes. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق. Le prophète صلى الله عليه وسلم a démontré qui est le véridique. حديث ابن مسعود في الصحيح. فقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحديث عليكم بالصدق début du hadith c'est عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة. Après il y a ça ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا في الصحيحين حديث ابن مسعود. Donc ici le passage c'est l'homme ne cessera d'être véridique, il recherche la véracité, يتحرى الصدق, il recherche la vérité, il veut toujours être quelqu'un qui dit la vérité, qui agit conformément à la vérité. يَصْدُقُ هُوَ فِي نَفْسِهِ. Il est véridique en lui-même. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ فِي مَا يَقُولُهُ لِلنَّاسِ. Il recherche la vérité dans ce qu'il transmet aux gens. وَلَا يُشِيعُ كُلَّ مَا سَمِعْ. Il ne transmet pas et ne propage pas tout ce qu'il entend. وَكُلَّ مَا قِيلَ. Et tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu, toutes les rumeurs, etc., il les propage. بَلْ يَتَثَبَّتْ. Avant de parler, il sera fermé sur ce qu'il est en train de transmettre. Wa yataharra as-sidq li'annahu huwa sadiqun fi nafsihi fala yukhbiru wa la yaqul illa ma huwa sidq. Il fait attention à ce qu'il dit et ce qu'il transmet que ce qui est véridique. Hada huwa as-siddiq, c'est celui-là le véridique. Siddiq c'est sirat mubalagha, c'est quelqu'un qui a cette caractéristique en profondeur. Non. Comment il fait attention quant au fait de ce qu'il dit aux gens, que ce soit quelque chose de véridique. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Aux gens. Fima yaquluhu. Ici on dirait qu'on pourrait mettre un lam, l'ignas, non? J'ai pas le mot là où tu es. Yasduqo fi nafsi, wa yataharra sidqa fima yaquluhu. Fima yaquluhu annas. قلتها فيما يقوله للناس سنا تشوف ويصدق هو في نفسه ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس ايه سي ان اوتر سونس ça veut dire qu'il fait attention à ce que les gens disent. Non, c'est un tout autre sens. Il n'y a pas de lame. C'est-à-dire que lui, il fait attention à ce que les gens disent. C'est pas toute personne qui vient et qui lui raconte quelque chose. Lui, il le croit, il va le transmettre. C'est pour ça, derrière, il dit « Wala yushi'u kullama sami'. » Kullama sami'. Chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose, il va, il le propage. Mais ce que les gens disent, il fait attention à ce qui est dit et il regarde ce qui est véridique, il le transmet. Ce qui n'est pas véridique, il ne le transmet pas. Wadah. Non. قال مات على السنة. Donc on reprend, on dit من مات على السنة مستورا فهو صديق. من مات على السنة أي متمسكا بالإسلام. Celui qui meurt sur la sunna, c'est-à-dire attaché à l'islam. المراد بالسنة الإسلام. والإسلام هو السنة. On a dit plusieurs fois que le terme sunna dans ce type de tous les termes qu'on avait avant, toutes les phrases, ça ne veut pas dire la sunna seulement, ça veut dire la religion. Celui qui est attaché à la religion de droiture, de vérité, il est من مات على ذلك مستورا لم يتبين منه شيء يخالف فإنه يموت صديقا. Quelqu'un qui meurt et son état reste caché, dans le sens que on n'a rien trouvé de lui ou bien des choses qui seraient contraires à la religion, etc. Il meurt sur un état de véracité. Il meurt comme un véridique. قوله الاعتصام بالسنة نجاة. Est un sauvetage. التمسك بالسنة نجاة من الفتن ومن العذاب. C'est un sauvetage des discordes, du châtiment. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui vivra parmi vous verra d'énormes divergences, qu'il s'attache à ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah dit dans le Coran, surat 3, verset numéro 103, le sens, et cramponnez-vous au câble d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Wa qala jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Et il dit également dans un autre verset, surat 6 verset 153, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم وهي التمسك بالسنة والاعتصام بها. Ça, c'est la recommandation et l'ordre d'Allah, et recommandation et ordre du messager, qui est le fait de se rattacher à la religion et de s'y cramponner. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها, يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند رحمه الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإن يخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل رحمه الله تعالى من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة في طريق غيره. S'écarte de la protection qu'Allah lui accordait, et il est confié à elle, c'est-à-dire à l'innovation. Et Daoud ibn Abi Hind, a dit, Allah a révélé à Moussa, alayhi salam, ne t'assois pas en compagnie des innovateurs, car une partie de ceux qu'ils disent va rester ancrée dans ton esprit, et cela risque de te mener en enfer. Et Koubal ibn Ayyab, rahimahullah, a dit, celui qui s'assoit avec les innovateurs, la sagesse ne lui a pas été donnée. Et il a dit aussi, ne t'assois pas avec les innovateurs car je crains que la malédiction ne tombe dessus. Et aussi, celui qui aime les innovateurs, Allah lui rend vaine ses œuvres et arrache de son cœur la lumière de l'islam. Et aussi, celui qui discute avec une personne de l'innovation à un endroit, alors passe par un autre endroit. Faites le dernier. Celui qui discute avec une personne de l'innovation à un endroit, littéralement dans un chemin, alors passe par un autre endroit. الشرح explication. قوي سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. سبق لنا الحديث عن الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم ومصاحبتهم. On en a pas déjà parlé auparavant. Le livre, il est beaucoup axé sur ça, le fait de fuir des innovateurs et le fait de ne pas rester en leur compagnie. فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها هلك معهم. Celui qui reste en leur compagnie et qui tend l'oreille, qui écoute leurs paroles et qui ne les blâme pas, sera perdu avec eux. فلا يجوز لك أن تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم وتقول أنا مؤمن قوي الإيمان وعارف بالعقيدة لا يؤثرون علي. Donc il dit, il t'est formellement interdit, et il dit sur laquelle un tosria il a ahli al-bida, d'écouter les adeptes des innovations et de dire je suis croyant, je suis sûr de moi, fort de foi et je connais la conviction saine et sereine et ils feront pas effet sur moi. Le cheikh dit hada ghurur, ça c'est tromperie. Qad yuftanu al-insan, tu peux être troublé. فالبعد عنهم وعدم عارف بالعقيدة ولا يثيرون عليه هذا غرور قد يفتن الإنسان فالبعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة le fait de s'éloigner d'eux, de ne pas écouter leurs paroles, tu seras à l'abri de cette manière. أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن معهم. Tu écoutes, tu tends oreille, tu risques d'être حري, c'est-à-dire il y a des chances, il est propice que تفتن معهم, que tu sois tenté. قوله ووكل إليها يعني إلى البدع. لأن من يعتصم بالله عصمه الله ومن استمع إلى البدع فإنه حري أن يفتن بها. Celui qui s'attache et se cramponne à Allah, il va le protéger. Et celui qui tend oreille aux innovations, il va être tenté. ووكل إليها يخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى. Il va être, comment on traduit يوكل إليها? Il va être confié à elle. Deuxième parole, قول داود ابن أبي هند رحمه الله. Il dit, أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. هذا مروي عن موسى عليه السلام. الله غبر يا داود رحمه الله. الله غبر يا موسى متصوفان كمpany des innovateurs car une partie de ce qu'ils disent va rester ancrée dans ton esprit et cela risque de te mener en enfer. أن الله أوحى إليه لا تجالس أهل البدع هذا وهو كليم الله ينهاه الله عن مجالسة أهل البدع. إذ موسى عليه السلام c'est celui qui a parlé à Allah, كليم الله. Il dit il a parlé à Allah sur terre, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم aussi il a parlé à Allah pendant le Mi'raj. Allah lui a parlé directement, yani sans comment dire, sans intermédiaire. C'est ça qui est voulu. Kalim Allah, Moussa alayhi salam. Et on a dit c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Allah lui a interdit de rester en compagnie des innovateurs. Wal mukhalifin. Liannahu hariyun idha jalasahum an yata'athara bihim fa kayfa bighayrih. Donc ça c'est un prophète et un messager qui fait partie des prophètes doués de fermeté. Ulul azm, un des cinq. Donc que dire de quelqu'un d'autre que lui. قوله فحاك في نفسك شيء مما يقولون. هذا هو الخطر. C'est ça le problème. C'est ça le danger. أنك إذا جلستهم وسمعت كلامهم فإنه يحيك في نفسك أو قد يحيك في نفسك شيء منه. Quelque chose qui va rester ancré en toi, qui va te perturber, qui va te bouleverser. ولا تعتمد على قوة إيمانك وعلمك. Ne te laisse pas avoir en disant ma foi, je suis fort de foi, ou j'ai de la science ou de la connaissance. لِيَنَّ عِنْدَهُمْ زَيْفْ. Car ils ont des... comment ils traduisent زَيْفْ? C'est-à-dire ils tournent les choses à leur manière. Hein? Si tu veux, oui. وَعِنْدَهُمْ تَزْوِيرْ. Ils changent les choses. Ils falsifient les choses. Ils interprètent les choses. وَعِنْدَهُمْ كَلَامٌ مَعْسُولٌ. Ils ont des paroles mielleuses. وَعِنْدَهُمْ أَسَالِيبْ. Ils ont des manières d'élocution. فَعَلَيْكَ أَنْ تَحْذَرَ مِنْهُمْ. فَعَلَيْكَ أَنْ تَحْذَرَ مِنْهُمْ. Prends garde à eux. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ. Donc il dit dans le verset dans sourate Al-Munafiqun, sourate numéro 63 verset 4, quand tu les vois leur corps t'émerveille et s'ils parlent tu écoutes leurs paroles, ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux, l'ennemi, l'ennemi c'est eux. فلا تتساهل مع أهل البدع تستمعوا تستمع لهم أو تجلس إليهم. Ne te laisse pas aller dans ce sujet-là. هذا شيخ النجمي يدي لعله من كلام من الكلام مأخوذ من التوراة. Il dit, on dirait que c'est des paroles qui sont prises de la Torah directement. Wallahu a'lam. Il concerne les mubtadi'a, les munafiqin. Mais on va dire comme la cause c'est la même, c'est-à-dire que leur corps t'émerveille, ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Le cheikh ici disait que ils ont des asalib, ils ont des manières d'élocution, tazwir. Ils changent les choses, ils interprètent les choses à leur manière, ils ont des paroles mielleuses, ils ont asalib, donc des manières d'élocution, ce qui rejoint les hypocrites. Donc comme il ne faut pas rester en compagnie de ceux-là, il ne faut pas rester en compagnie des innovateurs. On a vu avant que Al-Fudayl ou un autre, il a dit, quand je vois quelqu'un de la sunna, c'est comme si je voyais un compagnon, et quand je vois quelqu'un de l'innovation, c'est comme si je voyais un hypocrite. Donc il relie les deux ensemble. On peut le considérer comme un hypocrite. Ils ont des caractéristiques. Ils ont des attributs des hypocrites. On ne va pas dire que c'est un hypocrite majeur, c'est quelqu'un qui est hors de l'islam, mais il a des attributs à eux. Pourquoi? On a vu avant, qu'est-ce qu'il a dit le Cheikh Fawzan? Il a dit qu'il faut apparaître l'islam et il cache l'innovation. Tout comme l'hypocrite, le mubtadi, l'innovateur, il fait apparaître la sunna, il dit je m'attache à la religion, etc. Et c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont contraires à la religion, qui sont contraires à la sunna. Tout comme l'hypocrite, il fait apparaître l'islam et il cache dans son intérieur la mécréance. Donc il y a des qualités qui se rejoignent les uns les autres. Ici il dit, sur la parole là, que vous venez de voir de Moussa ibn Imran, il dit « هذا القول فيه مبالغة ولعله مما أخذ من التوراة انتهى » Ce n'est pas une parole certaine. Il dit cette parole-là, il y a une sorte un petit peu d'exagération, et sans doute qu'elle a été prise de la Torah. La parole Moussa. Hein? Non. Il y en a celle qui est citée sur Moussa, quand il dit Allah a révélé à Moussa, alayhi salam, Ibn Imran, ne t'assois pas avec les innovateurs, car si tu t'assois avec eux, ils vont faire effet sur toi, et tu seras voué à l'enfer. Quelque chose comme ça dans la traduction. Daoud, quelle époque? Là, je sais pas. Alors, il paraissent des tabi'in et d'époques qui sont après. Wallahu a'lam. Naam, la troisième parole, Fudayl, Jigal. Celui qui s'assoit avec les innovateurs, la sagesse ne lui a pas été donnée. Ay hurima min al-hikma. Il n'a pas de sagesse. Wa al-hikmatu hiya al-fiqh fi dinillah, la compréhension dans la religion. Falladhi yujalisu ahl al-bid'a yuhramu min al-fiqh fi dinillah 'uqubatan lah. Comme punition, il sera privé de compréhension de la religion, la compréhension qui est saine et sereine. Quatrième parole, قول الفضيل رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Ne t'assois pas avec les innovateurs car je crains que la malédiction ne tombe dessus. لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ. Parce que l'adab de l'innovation descend sur lui l'adab, le châtiment, la colère, la déviation. فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه. On craint que ne te touche quelque chose qui l'a touché également. ولهذا قال جل وعلا سبحانك الله جدا القرآن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سورة numéro 6 verset numéro 68. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets par la Torah et à travers, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion, et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste plus avec les injustes. Wa qala ta'ala lil mu'minin wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrihi innakum idhan mithluhum inna Allaha jami'u al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Un autre verset, sourate 4 verset 140, dans le livre il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets du Coran d'Allah et qu'on s'en raille, et on s'en moque, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء. Ceci, c'est une mise en garde quant au fait de rester en compagnie des adeptes de la déviance, des adeptes des passions. ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم. Le fait de rester en leur compagnie, d'écouter leurs paroles ou bien de lire leurs écrits. عليك بالابتعاد عن هذه الأمور والله المستعان. Éloigne-toi de cela. الذي يعمل هذا الآن يقولون عنه منغلق ومتحجر وعنده شك في الناس إلى آخر ما يقولون. Celui qui agit de la sorte maintenant, ils disent c'est quelqu'un qui est renfermé, munghaliq, wa mutahajjir. Il veut limiter les choses. Comme ils disent, vous limitez les choses. Ils disent, faut être ouvert d'esprit, faut prendre de tout. C'est pas comme ça qu'ils étaient les prédécesseurs. Wa indahu shak fi an-nas. Il dit, il doute de tout le monde. Ila akhiri ma yaqulun. Naam. Mutahajjir, c'est quelqu'un qui est limité. Il limite, il dit que l'ilm wasi'. Il y a un tel, ils ont écrit, Rafida, ils ont écrit, et ceux-là, ils ont écrit, ceux-là, ils ont écrit. Il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas être limité à trois savants, quatre savants, et tu t'arrêtes là. Ça vient du mot Hajjir, là. Hein? C'est-à-dire, ils disent, l'arabe. La tuhajjir wasi'an. La miséricorde d'Allah, elle est grande. Il ne faut pas que tu la limites. Tu vois? Hajjir ta wasi'an. Adon Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, l'arabe, si je ne me trompe pas, quand il a dit, Allah, fais-moi miséricorde, fais miséricorde à Mohammed et à personne d'autre. Il lui a dit, tu as limité quelque chose de large. La miséricorde d'Allah, elle est vaste. Wa rahmati wa si'at kulla shay. Toi, tu l'as limité juste moi et toi. Hein? Tahjir al-shay. Et mon ghaliq, c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Ça vient de l'Ighlaq. Ensuite, il dit, qawl al-fudayl rahimahullah ta'ala, man ahabba sahiba bid'a, fa hariyun an yuhbita Allah amala. Celui qui aime un adepte de l'innovation, il est propice qu'Allah rende ses œuvres vaines. هذا وعيد شديد خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة. Surtout, ceci est une lourde menace, surtout si l'innovation de l'innovateur est une innovation qui fait sortir de l'islam. Parce que comme on a dit, il y a des innovations qui font sortir de l'islam et d'autres qui ne font pas sortir de l'islam. فإنهم قد يستحسن كلامهم وشركهم وكفرهم. Il se peut que tu commences à considérer bien leurs paroles, leur polythéisme, leur mécréance, leur manière d'agir. فيحبط عمله. Si ça arrive à ce degré-là, tes œuvres risquent de devenir vaines. وهذا من باب التحذير فالإنسان لا يعجب بنفسه. Il dit tout ça, c'est des mises en garde. L'homme ne doit pas se sentir à l'abri de ces choses-là. أو يظن أنه لا يتأثر. Ou bien il dit, moi ça ne me touche pas ce type de choses-là. Là, فالإنسان بشر. L'être humain reste un être humain. Sixième récit, قول الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجوز في طريق غيره. حتى في الطريق إذا رأيته في طريق لا تذهب معه. Même dans le chemin, il ne reste pas en sa compagnie du tout. ولا تصاحبهم في الطريق وفي السفر. Ne reste pas en leur compagnie, ni dans le chemin, ni en voyage. فيؤثرون عليك. يؤثرون عليك. Ils font effet sur toi. فإن الذين يذهبون مع المبتدعة ويصاحبونهم بحجة الدعوة. Que dire alors de ceux qui restent en leur compagnie et ils restent avec eux en disant c'est pour le prêche. Ensuite il dit, قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الفضيل من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع فلم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله ولا يكن صاحب السنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة فلا تكن صاحب بدعة في دين في الله أبدا انتهى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. C'est le dernier passage du livre. Celui qui valorise un innovateur a certes aidé par cela à la destruction de l'islam, et celui qui sourit au visage d'un innovateur a certes méprisé. C'est Allah a fait descendre sur Mohammed, Et celui qui donne en mariage sa fille à un innovateur a par cela rompu le lien de parenté. Et celui qui suit le convoi funèbre d'un innovateur ne cesse d'être sous la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il ne revienne. Et aussi, celui qui prend assise avec un innovateur, il va tirer de lui l'aveuglement du cœur, entre parenthèses. Et aussi, je mange avec les juifs et les chrétiens, mais je ne mange pas avec les innovateurs. Et j'aime trouver entre moi et un innovateur un espace et une protection contre lui, telle une citadelle renforcée. Et il dit aussi, lorsqu'Allah apprend d'un homme qu'il déteste les gens de l'innovation, il lui pardonne, même s'il a peu de bonnes œuvres. Et là, je ne sais pas si bien traduit. Et seul un hypocrite peut venir en aide à un innovateur. لا يمالي صاحب بدعة إلا عود. سأل أن يبكريت بفنير أن يبكريت بفنير أن ينوفاتر ولا يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاق. On verra dans l'explication du cheikh qu'est-ce qu'il dit. Et celui qui détourne son visage d'un innovateur, Allah lui remplit son cœur de foi. Et celui qui repousse un innovateur, Allah le préservera du jour du jugement. Et celui qui humilie un innovateur, Allah le lèvera de 100 degrés au paradis. Donc ne soit jamais quelqu'un qui innove dans la religion d'Allah. شرح إكسبليكاسيون قول الفضيل رحمه الله تعالى من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. عود هذه. لأن البدعة ضد الإسلام. إنوفاسيون سي توتالمون كونتخيغ على الإسلام. فإذا شجعت المبتدعة فقد أعنت على هدم الإسلام. سي تو أنكوراج لإنوفاتور أينوفي. Tu encourages à détruire l'islam, puisque l'innovation elle est contraire à l'islam. Yann al-islam ahu sunnah, wa sunnatu hiya al-islam kama sabaq. Puisque comme on a vu auparavant, l'islam et la sunnah sont indissociables et se définissent l'un par l'autre. Fal wajibu ala al-insan an la yu'azzima ahl al-bid'ah. L'obligation qui incombe aux musulmans sunnites, c'est de ne pas valoriser les innovateurs. Wa la yamdahahum, de ne pas faire leurs éloges. Wa la yuthni alayhim, de ne pas les louer. والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة وأننا متخلفون ومتأخرون إلى آخر ما يقولون. Et vous entendez aujourd'hui les éloges envers les mécréants, envers les juifs, envers les chrétiens, les louanges en leur faveur, qu'ils sont avancés, qu'ils sont رقي, c'est-à-dire qu'ils sont élevés dans la technologie, etc. الرقي c'est الصعود, c'est le fait de monter. Voilà, progression, le hadara, la civilisation, etc. Que nous nous sommes attardés, retardés, et etc. Tout ce que vous entendez, hada min ashadd an-nifaq wal 'iyadu billah. Toutes ces paroles-là sont des paroles profondes dans l'hypocrisie. Qawluhu wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzala Allahu 'azza wa jalla 'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui sourit au visage d'un innovateur a certes méprisé ce qu'Allah 'azza wa jalla a fait descendre Muhammad. لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد. Car l'innovateur totalement contraire à ce qu'Allah a révélé à son prophète. فإذا تمسب فإذا تبسم في وجهه منبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة. يعني celui qui sourit à un innovateur et qui lui étend ses largesses, mais il ينبسط معه, c'est-à-dire il discute de manière reposée, etc. Hein, il échange avec lui. Totalement contraire à ce qu'il y a dans le Coran, est-ce qu'il y a dans la Sunna, min hajrihim wa burdihim, dans le fait de s'éloigner d'eux, de les détester, wal ibtiadi anhum, et le fait de se tenir à l'écart, wa adam ar-ridha anhum, le fait de ne pas agréer ce qu'ils font, li'anna al-ibtisama yadullu ala ar-ridha wal inbisat ma'hum, parce que quelqu'un qui sourit, qui rigole, etc., ça veut dire qu'il est d'accord et concorde avec leurs idéologies. Qawluhu wa man zawwaja kalimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. الواجب على من عنده مولية بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها أن يختار لها الكف الصالح. يدي l'obligation incombant celui qui a مولية, c'est-à-dire que lui il a la tutelle sur quelqu'un, que ce soit sa fille, que ce soit sa sœur, ou que ce soit quelqu'un d'autre sur qui il a la tutelle pour la marier, de lui choisir le kuf. Le kuf c'est quelqu'un qui est conforme, quelqu'un qui a les qualités requises. الصالح قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفساد كبير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous vient من ترضون دينه, ceux dont vous êtes satisfait ou celui dont vous êtes satisfait de sa religion, وأمانته, de son dépôt, c'est quelqu'un qui est de confiance, فزوجوه, mariez-le, illam taf'alu, si vous n'agissez pas de la sorte, takun fitnatun fil ard, il y aura une discorde sur terre, wa fasadun kabir, et une énorme corruption. Fa ida non kufr al kufr, c'est quelqu'un de qu'est-ce que j'ai dit avant, conforme. Tel gars, voilà, tel gars, bab al-kafa'a, fait le boulot par exemple. Le kafa'a, il y a ce hadith là. Le fait que l'homme il soit. Oui, ça vient de là. Fa'idha lam tataharra limouliyatika al-mardi fi dinihi wa amanatihi yahsulu fasadun kabir. Si tu n'es pas, tu fais pas attention à choisir pour celle qui est sous sa tutelle quelqu'un de satisfaisant dans sa religion, quelqu'un de satisfaisant dans ses caractères, dans son dépôt, dans ses qualités de confiance, il y aura une énorme corruption sur terre. حيث يتزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه. Tu vas la marier avec n'importe qui, un hypocrite, avec un adepte de l'innovation, avec ceci, cela, et elle va partir avec lui, elle va s'égarer avec lui. وتكونه أنت السبب في ذلك. Et c'est toi la cause à cela, c'est toi qui l'as donné en mariage. قال ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله في سخط من الله حتى يرجع. Celui qui suit le convoi funèbre d'un innovateur ne cesse d'être sous la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. إذا ماتوا لا تصاحب جنائزهم. Quand ils meurent, faut pas être en compagnie de leur suivre leur cortège funéraire. لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب ويصيبكم ما أصابهم. Car descend sur eux la colère, le châtiment et va vous toucher ce qui les a touchés. وقول الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. يعني العمى في البصيرة وعمى القلب. Celui qui reste en compagnie d'un innovateur tirera comme conséquence caractère aveugle, c'est-à-dire le caractère aveugle dans la clairvoyance. Il ne verra pas la religion de manière normale, mais il verra la religion de manière aveugle, il fera les choses de travers. La clairvoyance sera touchée. وقال الفضيل أكل مع يهودي ونصراني ولا أكل مع مبتدع. Celle-là, elle est très connue de الفضيل بن عياض. Je mange en compagnie d'un juif et d'un chrétien, mais pas en compagnie d'un innovateur. Yenna al-Yahudi wa al-Nasrani ma'ruf annahu sahibu dinin wa millatin diniya mukhalifa li dinina. Le juif, il va dire je suis juif. Et le chrétien, il va dire je suis chrétien. Je ne crois pas en Mohammed, je ne crois pas en ça, je ne crois pas en ça. C'est connu. Mais l'adepte de l'innovation, ce n'est pas pareil. Il ne va pas te dire ça. Wa huwa min ahli al-kitab. Amma al-mubtadi'u fa innahu yadda'i al-islam. Il va dire je suis ton frère, je suis musulman, je suis sunnite comme toi. Amma al-Yahudi wa al-Nasrani fa la yadda'i al-islam. وتعرف أنه يهودي أم نصراني. Celui-là, juif ou chrétien, apparaît au grand jour. لكن, donc s'il y a لكن, c'est le مشكلتا. Et s'il aurait dit لكن, sans la شدة, c'est le مشكلتا. Donc un des deux. So, c'est لكن المشكلتا, ou bien لكن المشكلتا, في من يدعي الإسلام. Problème, il est dans celui qui prétend à l'islam. ونثق به, وتثق به, ta confiance en lui. وتجلس معه, t'assois avec lui. فيجرك إلى الشر, et te traîne vers le mal. Son danger est plus grave et plus grand que celui qui te déclare clairement ne pas être sur la même longueur d'onde que toi et déclare clairement et ne pas être ton frère, etc. قوله أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد يعني يمنع الاختلاط به. Et j'aime qu'il y ait une citadelle entre moi, une protection de fer, et qu'il y ait quelque chose, des obstacles entre moi et les adeptes de l'innovation qui me protègent d'eux. Et il dit également, إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. Lorsqu'Allah apprend d'un homme qu'il déteste les gens de l'innovation, il lui pardonne même s'il a peu de bonheur. لأن هذا من الولاء والبراء. Tout cela rentre dans l'alliance et le désaveu. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Aimer pour la sunnah, détester la bid'a. Aimer la croyance, détester la mécréance. Al-wala'u li ahli l'iman wal-bara' min a'da'illah. Hada aslun min usul al-aqidah. Ça, c'est un fondement principal parmi les fondements du musulman dans sa conviction et sa croyance. Qawluhu wala yakun sahibu sunnah yumali'u sahibu bid'a illa nifaqan. Idha mala'a sahibu sunnah sahibu al-bid'a fa hada naw'u min al-nifaq. Comment il a dit mala'a? Venir en aide. Lorsqu'un adepte de la sunna vient en aide à un adepte de l'innovation, c'est une sorte d'hypocrisie. Je crois qu'il est un genre qui supporte. De quoi? Mal'a. Mal'a, ce que je sais moi, c'est une sorte d'aide de secours. Et ça peut rentrer dans, comme tu dis, supporter, apporter un soutien, etc. Ça rentre dans tout ce cadre-là. قوله من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا إن هذا من البراء. Celui qui se détourne d'un adepte de l'innovation, Allah remplira son cœur de foi, de iman, car cela fait partie de la, du désaveu. ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. نعم. من انتهره بالكلام. انتهره بالكلام. Celui qui repousse, qui s'éloigne de l'intihar, c'est un mot qui laisse croire avec une certaine dureté. Hein? نعم. وأنكر عليه فإن الله عز وجل يجازيه يوم القيامة. Allah le récompensera le jour de la résurrection. يوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن. Le jour de la grande frayeur, c'est-à-dire le jour de la résurrection, avec la bonne récompense. لأنه أنكر المنكر, car il a blâmé le mal. أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق. Donc, par contre, si jamais il fait ses éloges et le loue, cela fait partie de l'hypocrisie. ومن موالات أعداء الله, et du fait de d'avoir de l'alliance, du soutien, de l'accord, de la concordance avec les ennemis d'Allah. قوله ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. الواجب عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام. Faut pas les honorer, faut pas les valoriser, sinon tu vas induire les gens en erreur. الواجب إهانتهم. Contraire, faut les avilir. لأن الله أهانهم. Car Allah les a avilis. وهذا أيضا من الولاء والبراء. Tout ça rentre dans la règle qui est l'alliance et le désaveu. قوله فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. Ne sois pas un adepte de l'innovation jamais. عليك مجانبة البدع ولا تتساهل فيها أبدا. Ne te laisse pas aller à ce sujet-là. Ne sois pas un adepte de l'innovation à jamais. من أجل أن تحافظ على دينك وعلى سنة نبيك. Tout ça pour te protéger toi-même et pour protéger ta religion et la sunna de ton messager. الخاتمة قد استفدنا من هذا الكتاب وما فيه من أصول أهل السنة والجماعة ومن الوصايا النافعة المفيدة فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفعنا بما قرأنا وسمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال القائم على إخراج هذا التعليق نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى خير الجزاء وأن يجعله إمام هدى ورشاد وأن يعز به دينه ويصلح به من سمعه وأن يغفر له ولوالديه وذريته وأهل بيته. انتهى هذا التعليق المبارك في يوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر صفر لعام 1428 من الهجرة النبوية المباركة. Donc il dit, on a tiré profit, conclusion, on a tiré profit de ce livre et de ce qu'il contient comme fondement en relation avec l'islam et la sunna et les différentes recommandations que l'auteur a citées, qu'Allah le récompense en bien. Et ensuite il dit, demandons à Allah également de récompenser l'explicateur, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahu Allah Ta'ala, de la meilleure des manières et qu'il fasse en sorte que ce soit un guide, un représentant de la guidée et de la droiture et qu'il renforce sa religion à travers lui et qu'il réforme celui à travers lui, yani, et à travers ses explications, celui qui entend cette explication de ce livre, qu'il lui pardonne ainsi que ses parents et sa descendance, malgré que Cheikh n'a pas de descendance, vous savez bien qu'il est stérile, rahimahullah ta'ala, wa ahli baytih, et les gens de sa famille. Intaha hada ta'liq, yani cette commentaire de ce livre-là est terminé. Et ils l'ont terminé, yani sauti, ça s'est terminé le dimanche Rabi' Achar, donc 14 du mois de Safar, qui est donc le deuxième mois de l'année, le mois prochain qui va venir là, de l'année 1428. Donc il y a à peu près 5 ans, yani, que ce sharh a été terminé. Voilà. Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose qu'on a fait là? Le premier cours. Hein? Le premier cours, c'était quand? Kitab Hada? Comment on a fait? Allah, mais on a une. On a fait plus qu'un an avec les vendredis qui se sont annulés avec Ramadan ou Kada. Il y a une cinquantaine de cours, voire plus. Un HDZ et les audios, mais je pense qu'il y a 50, peut-être 60 cours. Plus qu'un an en tout cas, ça fait qu'on est dessus. بعد ما شاء الله معرض الكتاب après Ma'arad Kitab qu'on avait ramené les livres. Ma'arad Kitab qui avait l'exposition de livres qu'il y avait en Égypte. Hein? Non, c'était en février peut-être. Janvier, février de la manie chapitre. Non, tu disais quoi, Mourad? Quand tu parles à Annie, tu parles des gens par rapport à la technologie. Tu vois, Cheikh, il a une autre fatwa aussi, vous entendez, non? Il dit, il ne faut pas valoriser les kofars dans ce sens-là en avilissant les musulmans. En disant, les musulmans, ils sont attardés. Si les musulmans, ils sont attardés, c'est à cause de l'attachement à leur religion. Ils ne sont pas attachés à leur religion, ils sont attardés. Il y en a, ils valorisent les kofars en disant, ils sont avancés dans la technologie, ils sont avancés dans ça. Il dit, ça, c'est louable de citer, mais dans le sens, pas de cette manière-là. De dire, par exemple, il est, comme on a vu dans le livre de Cheikh Sadhan, il dit, c'est, le musulman, il est censé être ordonné, ceci, cela. Et il dit, c'est malheureux qu'on trouve ça chez les kofars, ils sont bien ordonnés dans leur rue, ils sont bien ordonnés dans le code de la route, ils sont bien ordonnés dans ça, les gens ils respectent, alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Mais le fait de dire, les musulmans, ils sont attardés, les musulmans, ça, tu fais tomber sur les musulmans tous les mauvaises caractéristiques, et après tu dis, les kofars, ils sont en avant sur ça, ils sont en avant sur ça, tu valorises les kofars plus que les musulmans. On dirait que la valorisation auprès d'Allah, elle est sur cette chose-là, et le reste, ça n'a plus de valeur. Mais le fait de dire, malheureusement, c'est malheureux que les musulmans aient ça, c'est malheureux, c'est une vérité à dire que les musulmans ils sont faibles là-dedans, alors que normalement leur religion leur ordonne ça, ça c'est pas quelque chose de blâmable. Hein? Wallahu a'lam. Ça s'arrête là, inshallah. Hada wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.